بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله On termine le cours sur la série de cours sur أقوال الإمام مالك رحمه الله في العقيدة والسنة Donc ça sera le dernier cours inshallah même si on finit pas parce que il faut pas trop s'étendre sur ça j'aimerais bien qu'on change de sujet Donc on est arrivé à la 39e parole قال الإمام مالك رحمه الله والمؤمنون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم هاتين Il a dit les mu'minun, les croyants, au jour du jugement, regarderont Allah, il a dit بأعينهم هاتين, avec leurs deux yeux, que voici. Et il a dit هاتين, c'est-à-dire qu'il a montré ses yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est que c'est une vision réelle. قال تعالى Ensuite, il a cité le verset « Wujuhum yawma idhin nadiratun » Des visages ce jour-là seront resplendissants. « Nadira » c'est-à-dire illuminé, beau. « Ila rabbiha nadiratun » C'est-à-dire qui regarderont « Nadira »« Ila rabbiha » c'est-à-dire qui regarderont leur Seigneur. « Wa man qala yanzuruna ila thawabihi faqad kazabu »« Bal tanzuru ila Allahi nadaran » Il dit, et ceux qui disent que cela signifie qu'ils regarderont la récompense d'Allah, parce que Ahlul Ta'wil, c'est comme ça qu'ils agissent avec les textes, qui parlent des attributs d'Allah. C'est-à-dire que les gens qui renient les attributs d'Allah, ils renient notamment le fait qu'on puisse voir Allah. Ils disent, Allah ne peut pas être vu, parce que s'il peut être vu, ça veut dire qu'il est un corps, et s'il est un corps, tous les corps sont semblables, bref, la philosophie. Et donc, eux, comment ils font par rapport à ce genre de verset, quand ils tombent face à ce genre de verset ? Eh bien, ils font ce qu'ils appellent, eux, le ta'wil, qui est en vérité du tahrif, c'est-à-dire ils modifient le texte, ils lui donnent un autre sens. C'est-à-dire le texte, ils le laissent comme tel, mais la phrase dit « ils regarderont leur Seigneur », eux, ils disent « non, ça veut dire ils regarderont la récompense de leur Seigneur ». Mais donc, le Coran n'a-t-il pas été révélé dans une langue arabe claire ? Si Allah avait voulu nous dire qu'il regardait sa récompense, il nous aurait dit il regarde sa récompense, il ne nous aurait pas dit il regarde leur Seigneur, sinon ça serait nous induire en erreur alors que le Coran il n'est pas venu nous induire en erreur c'est comme si jamais un jour vous tombez sur ceux qui vous disent ouais, il est où Allah et si tu lui dis il est au dessus du ciel, ils te disent t'es un kafir eux ils ont mis la chose à l'envers, c'est à dire que si toi tu dis qu'Allah est au dessus des cieux c'est toi le kafir, alors que chez les anciens c'était le contraire. Bah, tu leur dis, regarde, c'est simple. Ça, c'est un argument qui marche à tous les coups. Tu leur dis, quand on lit le Coran, c'est quoi qui ressort ? Si on le lit comme ça, c'est qu'Allah, il est Fis Sama, Wal Kalimu, Wal Amadu Salihu, ou plutôt Yarfa'u Ilayhi. C'est quoi le verset ? Yas'adu Ilayhi, Al Amadu Salihu. Les actes montent vers lui. Il nous dit que les anges montent vers lui. Dans plein de versets, il nous dit Fis Sama. On a expliqué ce que ça veut dire Fis Sama, qui est au-dessus du ciel. Istawa ala l'arche. Il y en a 7 versets qui disent Istawa ala l'arche. Bref, tous les versets du Coran dont on peut comprendre quoi que ce soit, on en comprend qu'Allah il est au-dessus du ciel. Alors les hadiths, c'est encore plus clair. Donc, si je comprends bien, tu es en train de me dire qu'Allah, il est, soit ils disent il est partout, ou alors ils disent il est, et ils ont une dans leur dogme, ils disent Allah n'est ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ni au-dessus, ni en dessous, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, ni relié, ni distinct. La amam, ou la khalf, ou la yamin, ou la shimel, ou la fauq, ou la taht, ou la munfasil, ou la muttasil, ou la kharij al-alam, ou la dakhil al-alam. Alors il est où ? Voilà, c'est ça la question. Donc, si un jour, en fait, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'un jour, vous pouvez tomber sur des gens comme ça. C'est pour ça que vraiment, je vous dis ça. Vous lui dites, bon, vas-y, admettons, Allah, il est comme tu viens de me dire. Donc, si je comprends bien, Allah, il a révélé un livre. Et pour nous dire qu'il est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni dans le monde, ni à l'extérieur du monde, il nous dit à chaque fois qu'il est au-dessus du ciel, qu'il s'est établi sur son trône. Ben donc, si je suis ta logique, Le Coran, il est venu nous embrouiller, en fait. Il n'est pas venu nous éclairer. Parce que s'il était venu nous éclairer, le Coran, il nous aurait, dans ta logique à toi, il nous aurait dit, sachez qu'Allah n'est ni au-dessus du ciel, ni en dessous du ciel, ni à droite, ni à gauche. Voilà, il nous aurait dit comme tu dis. Mais il nous dit toujours, fais sa main, que les anges montent vers lui, etc. Donc il nous a embrouillé au final. Il n'a pas voulu nous guider. Il a voulu nous faire une devinette. Et sachez que l'égarement, ça peut aller tellement loin que certains parmi eux, ils disent ça. Si vous lui dites, Allah, il a voulu nous faire une devinette, il y en a, ils vont dire, ouais. Ils disent, na'am. Allah, il a révélé le Coran comme une genre d'énigme pour que les gens, l'élite des philosophes, ils se cassent la tête pour savoir ce que ça veut dire. Alors qu'on sait bien que le Coran, il est Houdan l'innas. C'est un guide pour les gens, c'est pas pour l'élite des gens. Tout le monde y trouve sa croyance et la vraie croyance dans le Coran. Donc, il dit, ceux qui ont dit que cela signifie qu'ils regardent sa récompense, faqad kadhabu. Kadhabu, dans la langue de l'imam Malik, ça peut vouloir dire ils mentent, ou alors ils disent faux. Parce que le verbe kadhaba yakdhibu, souvent dans l'arabe moderne, comment on le comprend kadhaba ? Mentir. Mais en fait, dans la langue de Ahl al-Hijaz, c'est-à-dire les gens de la Mecque, Médine, Ta'if, ça voulait dire le contraire de la vérité. Donc si c'est volontairement, c'est un mensonge, et si c'est involontairement, c'est une erreur. Donc il ne faut pas que vous pensiez à chaque fois que vous trouvez un sahabi ou un tabi'i qui dit par exemple « kadhaba fulan », c'est-à-dire qu'il l'accuse de mensonge. Non, ça peut être qu'il dit qu'il s'est trompé, tout simplement. Donc là, il peut vouloir dire « il ment » ou alors « ils se sont trompés ». Et il a dit, au contraire, « ils regarderont Allah navaran ». Regardez en arabe. Il a dit « bal tanzuru ila Allah », ils regarderont Allah, et il a rajouté « navaran ». Quand on rajoute le masdar comme ça, c'est pour insister sur le fait que c'est réellement le regard, c'est pas une image ou c'est pas une métaphore. Ama sami'ta qawla Musa rabbi arini anzur ilayk atarahu sa'ala rabbahu muhala. Donc il dit, Musa a dit à Allah, rabbi arini, ô Seigneur, montre-toi à moi, anzur ilayk, que je te regarde. Et il dit l'imam Malik, regardez comment il retire des versets les choses, il dit, Musa n'allez pas demander à Allah quelque chose d'impossible. S'il lui demande « montre-moi », c'est qu'il sait qu'Allah peut être vu. « Qala, qala ta'ala, lan tarani, fid dunya. » Et Allah lui a répondu « tu ne me verras pas ». L'imam Malik dit « ça signifie fid dunya, dans ce bas monde. »« Li annaha daru fana, car elle est la demeure de l'extinction. » C'est-à-dire c'est la demeure où tout ce qui est dedans, et elle-même, elle est destinée à disparaître. Wala yunzaru ma yabqa bima yafna. Et ce qui perdure ne peut être regardé par ce qui doit disparaître. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est-à-dire qu'Allah ne peut être regardé par des yeux qui sont amenés à disparaître. Donc, tant que quelqu'un est ici-bas, personne n'a vu Allah et personne ne peut voir Allah. Est-ce que c'est parce qu'Allah ne peut être vu ? Non. C'est parce qu'Allah a destiné que tant que les gens sont ici-bas et ils sont destinés à disparaître, ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas voir Allah. فَإِذَا صَارُوا إِلَى دَارِ الْبَقَى نَظَرُوا بِمَا يَبْقَى إِلَى مَا يَبْقَى. Il dit, et quand les gens صَارُوا, c'est-à-dire se dirigeront ou seront dans la demeure de l'éternité, ils regarderont par ce qui est éternel vers ce qui est éternel. C'est-à-dire par leurs yeux, qui à ce moment-là ne seront pas destinés à la disparition, puisqu'Allah a écrit aux gens du paradis qu'ils seront éternels, là ils pourront voir celui qui est éternel. وَأَيْنَهُمْ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Ensuite l'imam Malik il dit, qu'est-ce qu'ils font cela avec le verset كَلَّا إِنَّهُمْ. Donc là ça parle des kuffars. عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ. Ce jour-là, la mahjoubou. Mahjoub, c'est quand il y a quelque chose qui t'empêche de. Quand tu es séparé, tu es voilé de quelque chose ou de quelqu'un. Donc Allah a dit à propos d'eux, ils seront mahjouboun. An rabbihim. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'imam Malik ? Le verset nous dit, ils seront mahjouboun. À propos des kuffars. Donc il dit, فَلَوْ لَمْ يَرَى الْمُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُعَيِّرِ اللَّهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ. Il dit, si les croyants ne devaient pas voir Allah au jour du jugement, Allah n'aurait pas rabaissé à Ayyara, ici c'est dans le sens, il ne les aurait pas blâmés, critiqués, par le fait qu'il y a un hijab entre eux et Allah, les kuffars. Parce que si, il veut dire par là, Allah a rabaissé les koufars en disant, ils ne verront pas leur Seigneur, ils auront un voile entre eux et Allah. Bah, si les croyants ne devaient pas voir Allah, bah, ils seraient au même niveau, il n'y aurait pas de différence entre eux. Donc ça, c'est un des versets, ce verset-là et l'autre d'avant qui est très clair aussi. C'est les versets très clairs qui montrent que ce qui est écrit dans la sunna, dans les hadiths, le prophète l'a dit texto, sallallahu alayhi wa sallam, que les croyants verront Allah. وَمَنْ أَنْكَرَ الرُّؤْيَةَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا السَّيْفَ. Donc ça, c'est ce qui revient souvent dans les paroles de l'imam Malik, rahimahullah. Il dit, celui qui renie la vision, c'est-à-dire cette question-là, cette question de théologie qui est le fait de voir Allah, on l'appelle ar-ruqya. Sous-entendu, ruqyatullah, le fait de voir Allah. Il a dit, celui qui renie ça, فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا السَّيْفَ. Il n'y a rien d'autre pour lui que l'épée. C'est-à-dire comme on l'a vu la semaine passée, dans le cadre d'un État islamique. وقال رحمه الله والله عز وجل كلم موسى عليه السلام. Dans une autre parole, il a dit, et Allah a bel et bien parlé à Moussa. Pourquoi il dit ça, l'imam Malik, alors que c'est déjà écrit dans le Coran? Pourquoi le redire? Parce que certains ont nié, les Mu'tazila, les Jahmiya, ont nié que le fait qu'Allah parle. Et ils ont inventé tout plein de métaphores pour dire qu'en fait, non, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Donc l'imam Malik, il se prononce en disant, Allah a parlé à Moussa. C'est-à-dire que ce n'est pas une métaphore. وَالْمِيزَانُ حَقٌّ. Et la balance est vraie, haqq. De quelle balance il parle? La balance qui pèsera les œuvres au jour de la résurrection. C'est-à-dire que dans Al-Iman bil Yawm al-Akhir, qui est un des six piliers de la foi au jour dernier, elle a beaucoup de détails. Elle a des grands points, comme Al-Ba'th, la résurrection, le paradis et l'enfer, Al-Hisab, etc. Et un des points, c'est de croire en Al-Mizan. Al-Mizan, donc, qui est cité dans le Coran et dans les hadiths. Pourquoi encore une fois? Bah, c'est clair ça, pourquoi il le répète? Parce que les Mu'tazila et autres reniaient le Mizan. Et disaient non, c'est pas logique que des œuvres soient pesées, donc c'est faux. Il faut le comprendre, c'est une image. En fait, la balance, c'est une image, ça veut dire la justice. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu ne peux pas comprendre les hadiths et les versets qui te parlent du jour du jugement, tu ne peux pas les comprendre comme avec les lois de la vie d'ici-bas. C'est autre chose. On peut pas. Ça ne sert à rien de faire de philosopher et de chercher à tout comprendre comme ça. Si Allah nous a dit les œuvres, elles seront pesées, et qu'il y aura une balance, une vraie balance, bah c'est qu'il y aura une balance. Comment? On ne sait pas. Allah a'lam. وَسُلْطَانٌ جَائِرٌ سَبْعِينَ سَنَةً خَيْرٌ مِنْ أُمَّةٍ سَائِبَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. Ensuite, dans une autre parole, il dit, donc là, c'est carrément un autre point de la croyance de Ahl Sunnah, il dit, سُلْطَانٌ جَائِرٌ. Sultan ici ça veut dire un gouverneur. Jair ça veut dire injuste. Un gouverneur injuste pendant 70 ans, c'est mieux qu'une communauté sa'iba. Sa'iba c'est-à-dire errante, laissée à elle-même pendant sa'a minan nahar. Sa'a c'est-à-dire un instant. Parce qu'à l'époque, les heures comme on l'a maintenant, ils en parlaient pas. Sa'a il voulait dire un moment, par exemple du jour ou asar. Qu'est-ce qu'il veut dire par là l'imam Malik rahimahullah? C'est que il vaut mieux que les musulmans ils aient un gouverneur. Bien sûr, on parle dans le cadre d'un gouverneur qui est musulman, qui remplit les conditions du gouverneur musulman. Il dit, il vaut mieux que des musulmans ils aient un gouverneur musulman injuste, c'est-à-dire que peut-être il est injuste avec eux, envers les pauvres, etc., ou envers les plus faibles d'entre eux, ou envers certains clans. Il commet de l'injustice. C'est mieux, pendant 70 ans qu'ils subissent ça, que 2 ou 3 heures sans gouverneur. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il souligne un des points de la croyance de Al-Sunnah qui est qu'il est interdit aux musulmans de se rebeller, de se révolter contre leur gouverneur. Bien sûr, on parle toujours, il faut bien préciser, dans le cadre d'un gouverneur musulman. Quand le gouverneur n'est pas musulman, c'est plus interdit. Mais est-ce que ça veut dire que ça devient permis comme ça, n'importe comment? Non. Même si le gouverneur il n'est pas musulman, eh bien, il y a des conditions. Il y a des conditions que les savants ont stipulées depuis des siècles, sur lesquelles ils sont unanimes, pour dire que, par exemple, si les musulmans ils vivent dans un État islamique et le gouverneur n'est plus musulman, qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont le droit, à ce moment-là, de le destituer, mais avec des conditions. Ces conditions, c'est le fait qu'ils aient la force nécessaire pour le faire, sans que ça crée des massacres et une guerre civile, et qu'ils aient quelqu'un de compétent à mettre à la place. S'ils ont ces deux conditions-là, ils peuvent le faire. Mais tant qu'il est musulman, la rébellion, elle est interdite. Bon, là, on survole un peu, hein. Bien sûr, ça, c'est des choses qu'il faut étudier à la base. وقال رحمه الله وإذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. Donc là il dit le mot imam, ici dans cette phrase il faut comprendre que souvent dans les paroles des anciens, le mot imam il ne veut pas dire l'imam de la mosquée, il veut dire le gouverneur. Le gouverneur en islam on l'appelle l'imam. Donc il dit quand l'imam est juste, c'est-à-dire si le gouverneur il est juste, les gens ne doivent pas donner eux-mêmes leur zakat, mais ils doivent la donner à l'imam. C'est-à-dire que c'est normalement c'est l'imam, le gouverneur, qui récolte les zakat et qui les redistribue, qui s'occupe de ça. والفواحش قدرها الله علينا قبل أن يخلقنا ولا بد لمن كتب الله عليه ذلك أن يعملها ويصير إلى ما قدر الله عليه وكتبه. Les prochaines paroles de l'imam Malik, elles parlent de l'iman ou bil qadar, croire au destin. Donc il dit al-fawahish, fawahish c'est-à-dire les turpitudes, Allah nous les a destinées avant même de nous créer. C'est-à-dire qu'avant même qu'Allah nous crée, tout ce qu'on allait faire de bien et de mal, c'était déjà écrit, c'était déjà décidé. Il dit donc celui pour qui Allah a écrit qu'il devait les faire, forcément il les fera. C'est-à-dire que c'est impossible que l'être humain, il fasse autre chose que ce qui était écrit pour lui. Bon ça c'est assez facile à comprendre. Allah savait déjà tout ce qu'allait être. Il l'a écrit, le bien comme le mal. Donc forcément, tu ne peux pas faire autre chose que ce qui a été écrit pour toi. Quoi que tu fasses, ben c'est ce qui était écrit. Mais on ne le sait pas à l'avance. On le sait une fois qu'on l'a fait. Que ce soit pour le bien comme pour le mal. وَمَا أَضَلَّ مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلِيهِمْ فِيهِ حُجَّةٌ إِلَّا قَوْلَهُ تَعَالَى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. Ensuite il dit comme ils sont égarés ceux qui renient le destin. Donc là il fait allusion à des gens qu'on appelait à l'époque Al-Qadariya. Al-Qadariya c'est des gens qui sont apparus en Irak à l'époque des Tabi'in et à une époque où des Sahaba étaient encore vivants. Abdullah ibn Umar il est encore vivant, Abdullah ibn Abbas il est encore vivant, et d'ailleurs ils ont même parlé sur eux. Et il reniait le qadar, c'est-à-dire qu'il disait qu'il n'y a pas de destin et qu'Allah ne sait pas les choses avant qu'elles arrivent. Et tout ça en lisant le Coran, en faisant les 5 salawat, le jeûne de Ramadan, etc. C'est-à-dire qu'en apparence, c'était des musulmans. Mais cette parole qu'ils ont prononcée, elle les a exclus de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au qadar, qui est un des 6 piliers de la foi. Donc l'imam Malik disait à leur sujet, comme ils sont égarés, et il disait, s'il y avait comme seul argument contre ce verset, ça suffirait. Et il a cité le verset, c'est lui qui vous a créé, parmi vous il y a famine comme kafirun, c'est-à-dire parmi vous il y a le kafir, ou famine comme mu'minun, et parmi vous il y a le mu'min. C'est-à-dire qu'Allah à l'avance savait, avant même de nous créer, qu'il y aurait des kuffars et qu'il y aurait des mu'minin. Il dit donc ça suffit comme argument contre Ahlul Qadar, qui prétendent eux qu'Allah ne savait pas au préalable. Donc j'en passe quelques-unes, parce que ça c'est assez clair. En plus, on n'est pas confronté, nous, à notre époque, à des gens qui disent, par exemple, Allah ne savait pas ce qui allait se passer auparavant, ou alors Allah n'a pas créé les actes des êtres humains. Ça c'est une question qui est un peu compliquée, peut-être un jour on l'étudiera ensemble, mais pareil, vous n'allez pas tomber sur, sur des gens qui vont vous dire ça. Ensuite, il disait, on passe celles sur le destin. Après, il parle de, il a compilé les paroles de l'imam Malik sur les compagnons. Le fait de respecter les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba, c'est un des points de la croyance des musulmans. Et celui qui dévie dans ce point, il peut dévier de la sunna, et comme il peut carrément sortir de l'islam. Ça dépend de à quel degré il s'égare. Et sachez que à l'époque des anciens, celui qui disait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, donc c'est Abu Bakr qui était le plus à même d'être khalifa. Ça, c'est l'ijma, on est obligé d'y croire. Après Abu Bakr, c'était Omar. Après Omar, c'était Uthman. Et après Uthman, c'était Ali. Imaginez-vous que chez les anciens, celui qui dit que Ali méritait plus d'être khalifa que Othman, il l'appelait min roulat al-shia, c'est-à-dire chiite extrémiste. Donc vous allez me dire, bah, c'était quoi le chiite normal alors? Si ça, c'est un chiite extrémiste. C'est-à-dire juste, entre guillemets, juste le fait de dire, je dis juste, mais c'est grave, mais entre guillemets, par rapport à ce qu'ils font maintenant les chiites, ça n'a plus rien à voir. Si seulement ils disaient que ça. Juste le fait de dire, Ali, il aurait dû être calife avant Othman, celui qui disait ça, il l'appelait, et il disait de roulette chiite. C'est les chiites extrémistes. Alors c'était quoi les chiites pas extrémistes pour eux? C'était ceux qui disaient par exemple, Ali, afdal. Ali, il a plus de mérite que Abou Bakr et Omar. Ça ne veut pas dire qu'il méritait. Non. C'est un jeu de mots aussi. Non, parce que, par exemple, est-ce qu'on peut dire Ali, afdal min Othman? Ça, c'est un khilaf. Faut bien dire, dans la aqida, il y a des choses qui sont précises. Celui qui dit Ali, il méritait d'être khalifa avant Othman, ça, il le classe chiite extrémiste. Par contre, celui qui dit Ali, afdal min Othman, dans le sens il a plus de mérite dans l'islam, etc., etc., il s'est converti avant lui, etc. Il y a une minorité d'Ahl-Sunna qui dit ça. Bon, c'est pas la parole la plus forte. La logique, c'est que Othman, il est afdal, puisqu'il est devenu calife avant lui. Mais ça a été toléré de certaines personnes qui ont dit ça a été toléré. Mais de dire qu'il aurait mérité d'être calife avant, pourquoi c'est beaucoup plus grave? Parce que si vous voulez, ça voudrait dire que toute la Oumma, elle s'est trompée. Ou que tous les Sahaba, ils se sont trompés, parce qu'ils étaient là à ce moment-là. Et donc, ils ont tous accepté que Othman devienne calife alors que c'était Ali qui le méritait. Et donc, ils se sont tous trompés. Donc, c'est une accusation extrêmement grave. C'est dans ce sens-là. Donc, qui étaient les simples chiites à leur époque? Les simples chiites, c'était ceux qui prenaient parti pour Ahlul Bayt, par exemple, face aux Omeyyades. C'est-à-dire qu'il avait un peu de rouleau, d'exagération vis-à-vis de Ali. Mais c'est tout. Si vous étudiez un peu ce que sont les chiites maintenant, vous verrez que ça n'a plus rien à voir. C'est un autre monde, c'est une autre religion, c'est une autre façon de penser, ça n'a plus rien à voir. Ça dépasse tout ça. On dépasse le cadre de juste Ali, Abou Bakr. Eux, pour eux, Abou Bakr, il n'est pas musulman, c'est maintenant. Et Omar, et Othman, et tous les Sahaba. Donc là, on a dépassé le. On est complètement dans une autre dimension. Alors, il disait, rahimahullah, wa khayru hadhihi al-ummati wa afdaluha ba'da nabiyyiha sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Amarahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bis-salati wa ma'ahu ghayruhu wa amarahu 'ala al-hajj wa ma'ahu ghayruhu. Il dit, le meilleur de cette communauté, il a dit khayru hadhihi al-umma wa afdaluha, le plus fadil, c'est-à-dire celui qui a le plus de mérite après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Abu Bakr as-Siddiq. Et il dit, il a cité un argument en fait. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait diriger la prière alors qu'il y avait d'autres compagnons. Quand le prophète était malade et qu'il n'arrivait plus à diriger la prière, il a mis qui comme imam? Abou Bakr. Alors qu'il y avait Omar, il y avait Othman, il y avait Ali, il y avait tous les autres. Donc ça prouve que c'était lui le meilleur. Et de la même façon, il a dit, il lui a fait diriger le Hajj. Parce qu'il faut savoir que normalement dans l'islam, le Hajj il se fait avec un émir. Il y a un chef qui dirige le Hajj. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait désigné Abou Bakr pour être l'émir, pour être le chef du Hajj. وقال رحمه الله وأفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه وليس فيهما شك. Ensuite il dit et le meilleur après Omar c'est après Abu Bakr c'est Omar et il n'y a aucun doute à leur sujet au sujet d'Abu Bakr et de Omar. وقال محلهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كمحلهما منه بعد وفاته. Il a dit leur place vis-à-vis du prophète صلى الله عليه وسلم durant sa vie, c'est comme la place qu'ils ont de lui, vis-à-vis de lui, après sa mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce qu'ils sont enterrés à côté de lui. À un droite, à un gauche. Mais en fait, il veut nous dire, eh bien, sachez que quand ils étaient vivants, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'Abou Bakr était à sa droite et vraiment à sa gauche. Dans le sens où ils étaient toujours avec lui et c'était ses principaux alliés. وقال رحمه الله وقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. Il disait, rahimahullah, les salaf, donc quand l'imam Malik dit les salaf, il veut dire par là, lui il est de la troisième génération, donc il veut dire les sahaba et les tabi'in, les deux premières générations de l'islam. Il disait, les salaf enseignaient aux enfants, à leurs enfants, l'amour d'Abu Bakr et de Omar, comme ils leur enseignaient une sourate du Coran. C'est-à-dire qu'ils leur enseignaient ces choses-là. Est-ce que nous, maintenant, dans notre éducation, est-ce qu'on voit des parents qui apprennent à leurs enfants à apprendre Abu Bakr et Omar? Malheureusement, très peu. Qui leur apprennent qui étaient les sahaba, qui leur apprennent qui étaient les quatre califes, qui étaient les 10 meilleurs compagnons, qui sont les gens de Bab, qui sont les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement. Ça s'est perdu tout ça. Par contre, si tu lui demandes la composition de l'équipe de Barcelone, ben ça va fuser. Wa afdal ummati ba'da Abi Bakr wa Omar. Al-Khalifatul Maqtoum Zulman Uthman radiallahu anhu. Il dit le meilleur après Abu Bakr et Omar est le calife tué injustement, Uthman. Il a été tué par qui Uthman? Par des rebelles, par des gens qui prétendaient l'islam et qui l'ont tué. Ils ont encerclé sa maison et lui il a refusé de se défendre pour ne pas faire couler le sang des musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, les sahaba, lui disaient bah, on prend les armes et on combat contre ces gens-là. Parce que ces gens-là c'était un groupe armé, fort. Et Uthman, il a préféré se laisser. Donc, ils ont encerclé sa maison pendant un moment et après, ils l'ont tué. Ils sont entrés chez lui, il était en train de lire le Coran et ils l'ont tué. Et il a préféré se laisser tuer que de déclencher une guerre entre eux, au sein de Médine et au sein de la communauté musulmane, qui ferait couler le sang. قال رحمه الله وهنا وقف الناس هؤلاء خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر أبا بكر على الصلاة واختار أبو بكر عمر وجعل عمر على ستة وجعلها عمر على ستة فاختار عثمان فوقف الناس هنا. Il dit, et c'est là que les gens se sont arrêtés. C'est-à-dire les gens ils se sont arrêtés à ça, il n'y a pas de débat. Abu Bakr, Omar, Uthman. Et il a répété, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Abu Bakr pour diriger la prière. Donc vous voyez bien, il n'a pas dit, il l'a désigné pour être calife. Le prophète, il n'a pas désigné, il a désigné personne pour devenir dirigeant après lui. Mais il a fait des grandes allusions. Avant de mourir, il a fait une khutba où il a dit « Si je devais prendre un khalil parmi vous, ce serait Abu Bakr. Mais Allah est mon khalil. » Donc ça, c'est une grande allusion, sachant qu'il va mourir dans quelques jours. Quand il ne pouvait plus faire la prière, il a mis Abu Bakr. Donc tout ça, ce sont des indications. Ensuite, Abu Bakr, il a désigné Omar, clairement, avant de mourir. Et ensuite, Omar, lui, il n'a pas désigné Uthman. Il a désigné 6 personnes. En fait, c'était les 6 sur les 10 qui étaient encore vivants. C'est-à-dire, dans les 10 compagnons promis au paradis, les 10 meilleurs compagnons, 6 étaient encore vivants. Et donc, il les a désignés, il leur a dit, entre vous, vous décidez qui d'entre vous sera Khalifa. Et ils ont désigné Uthman. Donc parmi eux, bien sûr, il y avait Ali. Et donc il dit, et les gens se sont arrêtés là, c'est-à-dire qu'ils ont accepté ça. وقال رحمه الله ومن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. Il disait, rahimahullah, celui qui chatama. Chatama, ça veut dire insulter ou dire du mal de quelqu'un. Celui qui dit du mal d'un seul des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit Abu Bakr, Omar ou Uthman. Et après, il a dit, ou Muawiya ou Amr ibn al-As. Pourquoi ces deux-là particulièrement? Il faut lire l'histoire. Lisez un peu l'histoire et vous comprendrez pourquoi ces deux-là. Parce que Muawiya et Amr ibn al-As, c'est eux qui ont eu un conflit avec Ali. Donc certains en profitent pour parler contre eux. Alors que la croyance de Al-Sunnah, c'est de dire le conflit qui les a opposés, c'est une chose, mais nous, on les respecte tous. On respecte Ali et on respecte Muawiya et Amr ibn al-As. Et bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de comparaison entre Ali et Muawiya. Ce sont des compagnons, mais Ali, il était le quatrième calife, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier garçon converti à l'islam. Il a fait le hijra, etc., etc. Il fait partie des sabiqin, des muhajirin, mais tous font partie des sahaba. Donc on les respecte tous. Et Amr ibn al-As, c'était le bras droit de Muawiya. En fait, pour vous résumer vite fait l'histoire, je vous donne les grandes lignes, c'est que Muawiya, il faut savoir qu'il était émir du Chem, le Chem, c'est-à-dire la région de la Syrie, Palestine, etc., sous l'époque de Omar déjà. Donc déjà, si Omar a choisi Muawiya, Muawiya c'était le fils d'Abu Soufyan. Pour être émir du Chem, c'est que Muawiya n'est pas n'importe qui, ni dans son savoir, dans sa piété et dans sa religion. Il va pas, Omar, surtout Omar, il va pas choisir n'importe qui pour être émir. Othman, il l'a laissé émir au Chem. Pendant tout le califat d'Othman, c'était Muawiya le chef du Chem. Et quand Othman a été tué, Muawiya, il a refusé de prêter serment à Ali. Pourquoi? Parce qu'il estimait que il fallait d'abord venger Othman. Pourquoi? Parce que Othman et lui, ils se sont des cousins. Ils font partie du même clan de Quraysh. Et donc lui, il a dit, on ne peut pas mettre Ali et désigner un khalifa plutôt, et on laisse les assassins d'Othman comme ça. Donc tant qu'on ne les tue pas, moi je ne prête pas serment au nouveau, à qui que ce soit, à un nouveau calife. Et également, l'autre chose qu'il reprochait à Ali, c'est que, en fait, Ali, par sagesse, pour continuer sur la ligne de Othman, il faut savoir que les rebelles là, qui ont tué Othman, ils se sont mis dans les rangs d'Ali, comme si de rien n'était. Et Ali, il leur a rien fait. En fait, s'il voulait, il les a acceptés, comme qui acceptait qui avant. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il acceptait les munafiqines avec lui. Pourquoi? Pour calmer les choses. Pas faire couler le sang pour rien. Et Muawiya, lui, il ne voyait pas les choses comme ça. Il lui disait, on sait qui c'est, donc il faut les tuer. Donc de là est venu le conflit. Et Muawiya, donc, il n'a jamais voulu prêter serment à Ali. Et donc, il est resté le chef du Chem. Et Ali, il était le chef, donc, du reste du monde musulman. Quand Ali est mort, c'est son fils Al-Hassan qui lui a succédé. Et Al-Hassan, qu'est-ce qu'il a fait, radiallahu anhu, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prêté serment à Muawiya. C'est-à-dire qu'il l'a reconnu comme khalifa pour le monde musulman tout entier. Et donc Muawiya est devenu, lui aussi, khalifa, mais plus seulement du Chem, mais de tout le monde musulman. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, dans un hadith, il avait dit, Ibni Hada Sayyid. Il avait dit sur Hassan, mon fils, c'est-à-dire son petit-fils, est un Sayyid. C'est-à-dire c'est un grand, c'est un chef. Il dit, par lui, Allah va réconcilier deux groupe de ma communauté. Et donc ça s'est fait en l'an 40, et c'est ce qu'on appelle Am al-Jama'a. C'est par l'acte de Hassan ibn Ali. Donc il dit, pour revenir à ce qu'il disait, il dit celui qui insulte un seul d'entre eux, s'il dit qu'ils étaient égarés ou qu'ils étaient dans le kouf, qu'otila. Il dit celui qui dit ça, il faut le tuer. Et s'il les insulte par autre chose, avec des insultes comme les gens ils les emploient. Nukila. Nukila, qu'est-ce que ça veut dire, Nukila? Ça veut dire qu'on le punit, mais Nukila, c'est dans le sens, c'est une punition qui dissuade les autres. Et il a dit Nukila, Nakala Shadida. En fait, pour la parenthèse, c'est gentil, mais c'est pas le problème. Je sais pas, c'est. C'est un truc qui remonte, ça me gratte et je tousse. J'ai ça depuis 15 ans, je ne sais pas ce que c'est. وقال رحمه الله ومن تنقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين لقوله تعالى ما افاء الله على رسوله حتى اتى قوله والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا فمن تنقصهم او كان في قلبه عليهم غل فليس له من الفيء حق. L'imam Malik ici, il dit, il parle d'un truc qui s'appelle al-fay. Al-fay, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a la guerre entre les musulmans et autres, le butin qu'ils gagnent sans faire la guerre, par exemple les musulmans ils attaquent des gens, et ces gens ils sauvent, et il reste des choses. Ce butin comme ça qu'ils vont ramasser, ça s'appelle Al-Fay. Et Allah dans le Coran a parlé de Fay dans la sourate Al-Hashr. Et en fait, il y a trois versets. Le premier verset, il dit Lil-Fuqara il-Muhajirin. C'est-à-dire le Fay, il est pour les pauvres émigrés. Ensuite, le verset suivant, il dit Walladhina tabawwa'u ad-dara wal-iman, c'est-à-dire les Ansar. Et le troisième verset, il dit Walladhina ja'u min ba'dihim, et ceux qui sont venus après eux et qui disent Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil-iman. Ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a retiré de ces trois versets? Il dit donc, celui qui parle ou qui a même un peu de haine, de rancœur contre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie de ces versets. Et il n'a aucune part de ce butin. Vous avez compris? Parce que le verset, il parle de qui? Soit il parle des compagnons, ou alors ceux qui sont venus après et qui prient en faveur des compagnons. Donc si tu viens après et tu ne les aimes pas, tu n'es dans aucune des catégories. C'est vrai que quand on lit le verset, on ne pense pas à ça. On pense juste, voilà, le verset nous montre, elle fait. Mais le fait que Allah a bien dit, ceux qui viennent après eux et qui prient pour eux, ils disent, oh Allah, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ensuite, il a cité la même chose avec le verset, là, vous regarderez à la maison si vous voulez, le dernier verset de la sourate Al-Fath, qui commence par Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah, Walladhina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui. Donc là, ça parle de ses compagnons. Ensuite, Allah les a décrits tels qu'ils sont décrits dans la Torah et dans l'Injil. Et dans la description qui est dans l'Injil, Allah a dit, il a donné l'exemple d'un épi qui pousse, qui se raffermit. Et Allah a dit, يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ, cet épi, il émerveille les cultivateurs, لِيَارِيرَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. يَارِيرَ, arava, quelqu'un, ça veut dire le rendre fou de rage. Il dit, par eux, il rend les koufars fous de rage. C'est-à-dire que les koufars de leur époque, ils avaient une grande rage, une grande haine contre les sahaba. Donc l'imam Malik, il dit, donc si tu as de la rage contre eux, de la haine, t'es dans du camp, t'es pas dans leur camp, t'es dans le camp opposé. Que ce qu'Allah a appelé le koufar. Wa qala rahimahullah, wa man sabba'a Aisha radiallahu anha, qutil. لأن من رماها فقد خالف القرآن لأن الله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Ensuite il a défendu Aïcha radiallahu anha, il a dit celui qui parle en mal de Aïcha qu'il doit être tué, car celui qui l'accuse, ici sous-entendu qui l'accuse de fornication, a contredit le Coran, car le Coran a dit Allah vous exhorte à ne plus réitérer cela, à ne plus jamais réitérer cela, si seulement vous êtes mu'minin. Donc encore une fois, si vous êtes mu'minin. Donc à quoi est-ce qu'il fait allusion? Donc dans la sourate An-Nur, dans plusieurs versets, Allah a défendu Aïcha contre les hypocrites qu'il avait accusés d'avoir commis zina. Des hypocrites, et certains sahaba également sont tombés dedans. Trois sahaba, si je me souviens bien, deux hommes et une femme. Et donc, Allah Azza wa Jal a révélé des versets pour la défendre. Donc, celui qui continue à dire le contraire, il ne croit pas au Coran, tout simplement. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il dit, Man sabba Aisha qutil. Et Ash-Shi'a, il faut savoir que jusqu'à maintenant, ils disent que Aisha, elle a commis ceci, elle a commis cela, il la maudit, etc. Pourquoi? Alors, vous allez me dire, pourtant, le Coran, il est clair. Parce qu'ils croient que le Coran qu'on a dans les mains, ce n'est pas le Coran, tout simplement. Mais il est là le secret. وقال رحمه الله إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا كان أصحابه صالحين. Il dit, en parlant de ceux qui parlent mal des sahaba, donc ici il vise Shia. Il dit ça, c'est des gens qui ont voulu critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas pu le faire. Donc ils ont critiqué ses compagnons. C'est-à-dire que quand l'islam s'est répandu et l'islam était dominant, personne ne peut se lever comme ça dans le marché et insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un détour et ils ont insulté ses compagnons. Donc pareil, les compagnons, tu ne peux pas les insulter directement, mais avec des choubouhades, des histoires, etc., tu peux y arriver. Pourquoi l'imam Malik il dit, pour que les gens en arrivent à dire, c'était un homme mauvais qui avait des mauvais compagnons. S'il avait été bon, ses compagnons auraient été bons. Il dit en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que ce mouvement qui a la couleur de l'islam, le titre islamique, c'est-à-dire le chiisme, et puis en fait, ce qui est voulu derrière, c'est le kufr. C'est d'arriver à dire aux gens, à faire croire aux gens que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme mauvais. Et pour y arriver, bah, ils disent que ses compagnons étaient mauvais. Parce que comment un tel homme qui a passé toute sa vie avec eux, et tous, ils deviennent kuffar? C'est qu'il y a un problème quand même. Parce que c'est ce qu'ils disent, tous sauf quatre. Ali, Miqdad, Ammar ibn Yasir et Salman. À part ça, tous les autres sont devenus mécréants, tous les sahaba. Donc à la fin, ça remet en doute leur maître, leur professeur, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça aussi l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, il avait une parole intelligente où il disait, l'islam c'est comme une maison, et sa porte, c'est les compagnons du prophète. Celui qui veut détruire l'islam, il détruit la porte, c'est-à-dire il s'en prend et il critique les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, et Muawiyah, les sahabas c'est une maison, et leur porte c'est Muawiyah. Celui qui veut détruire la maison, il s'en prend à la porte. C'est-à-dire que le premier pas, tu attaques Muawiyah. Et tu dis, non, moi j'aime bien Abu Bakr, j'aime bien Omar, j'aime bien Uthman, j'aime bien Ali, il n'y a pas de problème. Par contre, Muawiyah, quand même, ce qu'il a fait, Amr ibn al-As et tout. Hop, premier pas. Quand les gens ils vont accepter ça, alors que le Coran, les hadiths, ils t'ont dit qu'il faut parler sur aucun compagnon, donc déjà tu as réussi à franchir un pas. Si ce pas tu l'as franchi, après tu pourras dire, ouais, mais quand même Abu Huraira, ouais, mais quand même Omar. Et hop, à la fin, tu détruis l'islam. Et ça, c'est des mouvements. Bon, moi je le vois pas parce que je vais très peu sur internet et tout ça, mais à ce qu'on me rapporte, c'est très, très en vogue dans le monde arabe, dans le monde anglophone, un peu aussi dans le monde francophone. C'est très en vogue. Des gens qui critiquent les sahaba, mais toujours sous l'image de non, attention, nous on est des sunnites, on aime bien l'islam, mais si tu écoutes le discours, ils font que de critiquer les sahaba. Qu'est-ce que vous voulez derrière? C'est quoi? C'est bizarre ça. Les gens de France, ils ont que ça à entendre. Ils n'ont pas mieux à savoir que ces histoires-là, ces fausses histoires-là en plus. Donc c'est quelque chose qui est voulu derrière. Ensuite, on avait vu aussi la parole de l'imam Malik, on l'avait vu dans la khutbah, quand l'imam Malik, rahimahullah, il disait « La ara an yaqifa inda qabri nabi sallallahu alayhi wa sallam yad'u, walakin yusallimu wa yamdi, wa la yamassa al-qabr. » Il dit « Je suis d'avis, la ara » je suis d'avis que il ne faut pas rester debout à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire ad-du'a. Yusallimu wa yamdi. Il dit le salut au prophète et il passe son chemin. Yamdi, c'est-à-dire il continue son chemin. Wa la yamassu al-qabr. Et il ne touche pas la tombe. Donc imaginez-vous, ça c'est rapporté dans Ash-Shifa de l'imam al-Qurtubi. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il a écrit un livre sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités, tout ça, et il a cité cette parole de l'imam Malik dedans. C'était un savant d'Espagne, comme son nom l'indique, et c'était un grand savant malikite. Imaginez-vous si l'imam Malik, il voyait les gens qui restent debout pendant 1 heure pour faire des doigts. Alors, il y en a, c'est même pas des doigts à Allah, c'est des doigts aux morts, c'est-à-dire qu'ils demandent aux morts. Et qui touchent la tombe en se disant c'est de la baraka. Mais là, on ne parle même plus de la tombe du prophète. Lui, il a interdit avec la tombe du prophète. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu les gens qui font ça avec la tombe de Sidi Foulen, Maulana Foulen, etc., etc. C'est loin de la religion originelle. Et c'est loin de l'imam Malik. Les gens, ils disent ça, ils disent on est malikite. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dans une mosquée. Ils m'ont demandé de faire un cours sur le shirk. J'ai fait un cours sur le shirk, je n'ai même pas parlé des awliyas, des mausolées, et tout ça. Je vais parler du shirk. Qu'est-ce que c'est le shirk dans le Coran? Invoquer autre qu'Allah, prendre un intermédiaire entre soi et Allah. Ça, c'est écrit dans le Coran, j'ai rien inventé. Et après, à la fin, l'imam, il est venu me dire, attention, c'est ce que tu as fait, c'est pas bien. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, nous, on est des malikites, ash'arites. Nous, on va aux tombes des pieux et on va aux tombes des salihins. Ils sont là, ils nous entendent et on leur demande qu'ils intercèdent entre nous et Allah. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il me dit, on est malikite. Comme s'il y avait un rapport entre eux, entre l'un et l'autre. Mais c'est un imam. C'est un imam, ouais. Ben ouais. Pourquoi? Ben c'est la religion traditionnelle, quoi. C'est ça le problème. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est le lien Nous, on est malikite. Quel rapport entre malikite et ça? Malikite, c'est du fiqh. Quel rapport entre malikite et aller aux tombes des salihines pour demander shafa'a? Ça n'a aucun rapport. Mais si vous voulez, les siècles sont passés et les gens, ils croient que bah, le malikisme, c'est tout ça, en fait. Le malikisme, c'est à la fois demander shafa'a aux morts et le fiqh de l'imam Malik et ceci et cela. Alors que ça, ce sont des choses qui sont distinctes. وقال رحمه الله إياكم والبدع وأهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. Là, dans les paroles prochaines, en fait, le passage du livre sur l'imam Malik, il se finit qu'avec des paroles sur al-bid'a ou ahlul bid'a, sur l'innovation, l'hérésie, on peut appeler ça aussi l'hérésie en français, ou les gens de l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire le fait d'inventer une nouvelle croyance ou une nouvelle pratique dans l'islam par laquelle on prétend se rapprocher d'Allah alors que le prophète sallam et ses compagnons ne l'ont pas enseigné, ne l'ont pas adopté. Ben, je vous dis ça vite fait, comme ça on comprend de quoi il parle. Et l'imam Malik, il a beaucoup de paroles sur ça. Beaucoup, beaucoup de paroles sur ça. C'est pour ça que à l'époque, si on revient avant les années, dans les premiers siècles de l'islam, on peut presque affirmer que dans le monde musulman, la région du monde musulman qui était la plus dure vis-à-vis de la bid'a, qui était la plus dure sur la sunna et tout ça, c'était le Maghreb, le Maghreb et l'Andalousie. C'est-à-dire quand on dit le Maghreb, on peut mettre dedans même la Libye, ce qu'on appelle Ifriqiya. Ifriqiya, à la base en arabe, ça veut dire l'Égypte jusqu'au la Mauritanie, c'est ça, Ifriqiya. Donc tout ça, c'était dans le madhab de l'imam Malik. Mais ils n'ont pas pris de l'imam Malik seulement son fiqh, ils ont aussi pris son attitude. Parce que ce sont ses élèves qui ont répandu son madhab là-bas. Et les gens qui apprenaient avec lui, comme Yahya ibn Yahya al-Layfi, c'est lui qui a répandu le madhab maliki en Andalousie. Il n'a pas pris le madhab de quelqu'un. Il a rencontré l'imam Malik à Médine, il a appris avec lui. Et donc, il prenait de lui aussi son comportement et son amour de la sunna et sa haine contre eux, sa dureté contre la bid'a. Et donc, pendant un moment, l'endroit le plus protégé contre la bid'a dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman plutôt, c'était cette région du monde. C'est-à-dire ce qui est équivalent à la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, un peu la Libye et l'Espagne. C'était ceux qui étaient le plus protégés contre ça, jusqu'à ce que, à peu près 400 ou 500 ans après, il y a tout ce qui est, pas, ce qui est rentré à l'Est, il a quand même réussi à rentrer à l'Ouest, et puis c'est devenu comme, un peu comme ailleurs. Et donc c'est pour ça aussi que si vous lisez des écrits des imams de ces époques-là, bah, c'était très dur. Ils étaient très très durs. Par exemple, la dynastie des Mourabitrines, ceux qui ont fondé la ville de Marrakech, imaginez-vous, leur calife, il avait donné l'ordre d'attraper tous les exemplaires qui traînaient du livre Ihya ul-Muddin d'Abu Hamid al-Razali, parce que dedans il y a des choses qui sont pas correctes du point de vue de la croyance, et il les brûlait. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment très très stricts sur ce sujet-là. Mais puis après, bon bah, c'est devenu comme dans le reste du monde. Donc il disait Iyakum wal-Bidar, c'est-à-dire méfiez-vous. Iyakum en arabe, ça veut dire prends garde à telle chose. Fais attention à telle chose. Il disait, Iyakum wal bida. Faites attention au bida. Bida, c'est pluriel de bida. Il disait, wa ahlul bida, les gens des bida, donc les gens de l'innovation, sont ceux qui parlent sur les noms d'Allah, les attributs d'Allah, son savoir et sa force. Qudra, c'est-à-dire sa capacité. Qu'est-ce qu'il veut dire par il parle? Si demain on fait un cours et on dit, voilà, Allah il a comme qualité l'ayim, le qudra, est-ce que ça veut dire ça? Je devais être un bida? Non. Yatakallamun, ça est dans le sens. Ils débattent, ils discutent, ils philosophent sur ces choses-là. Il dit, et ils ne se taisent pas sur ce sur quoi se sont tus les compagnons et les tabi'ines. C'est-à-dire que les compagnons, ils se sont tus sur ces choses-là. Ils lisaient le Coran tel quel et ils disaient, voilà, ça veut dire ça, sans plus. Et des gens sont venus après dire, non, en fait, c'est une image, ça veut dire telle chose, sinon ça implique que. Donc là, ils ont dépassé les sahaba, les tabi'ines. Ils disent, ça, c'est Ahlul Bida. Ils parlent sur des choses dont les compagnons n'ont pas parlé. وقال رحمه الله ولعن الله عمرو بن عبيد فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام ولو كان الكلام علما La takallama fihi as-sahabatu wat-tabi'un kama takallamu fi al-ahkam wash-shara'i'. Walakinahu batilun yadullu ala batil. Il disait rahimahullah qu'Allah nous dise Amr ibn Ubayd, carrément. Amr ibn Ubayd, c'était c'est la génération des tabi'i. C'est un homme qui est apparu en Irak et c'est lui qui a l'origine des Mu'tazila. Le fait de renier le destin, de renier les attributs d'Allah, c'est lui qui a l'origine de ça, lui et quelques autres. Donc il disait carrément qu'Allah maudisse Amr ibn Ubayd, car il a inventé ces innovations qui relèvent du kalam. Le kalam, ça veut dire quoi en arabe? Parler. Donc, mais là, qu'est-ce que ça veut dire le kalam? Quand chez les anciens, il vous dit attention au kalam, ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler. En fait, le kalam, c'est un mot spécifique qui veut dire, c'est une terminologie. Ça veut dire la spéculation, la théologie spéculative, ou la rhétorique dans la théologie, ou la, plus ou moins la philosophie. Donc on appelait Ahlul Kalam ceux qui philosophaient sur les sujets théologiques. Au lieu de revenir au Coran et au Hadith, ils revenaient à leur philosophie. Donc il dit c'est lui qui a inventé toutes ces innovations. Et il dit si le Kalam était un savoir, si c'était un ilm, il dit, regardez ce que ça veut dire vraiment le Minhaj. Quand vous entendez déjà, il vous parle de Minhaj. Ça c'est le Minhaj, c'est ça le Minhaj, la bonne méthodologie. Il dit si le Kalam c'était un ilm, les sahaba et les tabi'in, ils en auraient parlé. Comme ils ont parlé des ahkam. Ils ont parlé de halal, de haram, etc. Ils ont parlé du tafsir, du Qur'an. Donc si votre truc là c'était un ilm, bah pourquoi Ibn Abbas il en a pas parlé? Pourquoi Ibn Mas'ud il en a pas parlé? S'ils en ont pas parlé, c'est que c'est pas quelque chose de bon. Donc il a dit وَلَكِنَّهُمْ بَاطِلٌ يَدُلُّ عَلَى بَاطِلٌ. Il dit c'est du faux qui n'indique que le faux. C'est-à-dire c'est faux comme méthodologie. Et la conclusion que tu vas en tirer, elle sera fausse aussi. وَمُحَالٌ أَنَّ ظُنَّ بِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَّمَ أُمَّتَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ وَلَمْ يُعَلِّمْهُمُ التَّوْحِيدُ. Ça, c'est une grande qaïda qu'on peut écrire en lettres d'or de l'imam Malik. Il a dit, il est impossible de penser que le prophète, صلى الله عليه وسلم, a enseigné à sa communauté à l'istinja, c'est-à-dire toutes les règles qu'on emploie pour quand on va aux toilettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout détaillé. Il est impossible de penser qu'il nous a appris ça et qu'il ne nous ait pas appris le tawhid. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, ceux qui sont venus débattre, philosopher sur ces sujets-là, bah quelque part, ils sous-entendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas appris ces choses-là. Et qu'ils ont eu besoin d'Aristote, parce que c'est sur Aristote qu'ils se basent, il faut le savoir, et c'est sa philosophie, pour pouvoir comprendre ces sujets-là. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait appris toutes les règles pour aller aux toilettes, mais que le tawhid, l'unicité d'Allah, il ne nous l'aurait pas appris. C'est complètement illogique. On ne va pas toutes les lire ensuite. Je ne vais pas relire celles. Vous étiez tous là à la khutbah quand j'ai fait la khutbah sur ça. Bon, je vais pas, celles qui étaient dans la khutbah, je ne vais pas les relire. Vous vous souvenez de celle avec la personne de Médine qui avait entendu quelque chose des gens de l'innovation, des Qadariyas. Et après, il disait à ses compagnons, si je pouvais me suicider, je le ferais, parce que c'est resté dans ma tête. Là, on l'avait dit dans la khutbah. Ensuite, une autre parole, celle-là, il faut qu'on la lise et qu'on la comprenne bien. Il disait « Wa ahlul ahwa'i bi'sa al-qawm. La tusallim alayhim, wa la tujalishum, illa an taghliza alayhim, wa la yu'adu maridhum, wa la tuhaddith anhum al-ahadith, wa a'tizaluhum ahabbu ilay. » Ici, l'imam Malik dit « Ahlul ahwa ». Ahlul ahwa, c'est comme ahlul bid'ah, c'est-à-dire les hérétiques. « Bi'sa al-qawm. » Ce sont vraiment de comme que de mauvais gens. Et là, il leur a dit, la tu salim alayhim, ne leur passe pas le salam. Ne t'assois pas avec eux. Illa antarlira alayhim, sauf pour leur dire des paroles dures. Il ne faut pas visiter leurs malades, il ne faut pas rapporter d'eux les hadiths. Et s'écarter d'eux, mais préférable. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? Il faut lire, il faut bien comprendre. Parce que, chez les salafs, on va trouver énormément de paroles comme ça. Et il y en a qui sont encore plus extrêmes. Certains, ils disaient par exemple, je préfère voir mon fils avec des cochons et des singes que de le voir avec Ahlul Bida'. Et que Ahlul Bida'a, il ne faut pas les saluer, il ne faut pas les visiter, il ne faut pas leur rendre le salam, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Hajru Ahlul Bida'a, le fait d'éviter les gens de la Bida'a. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les paroles de tous les salafs. Le problème, il est où? Le problème, il est que on tombe sur des jeunes, des gens, ils lisent ces paroles-là, et après ils cherchent, toi tu es juste en France en 2017, et ils les appliquent, ils les mettent en application. Ils les mettent en application, pardon. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre que ces paroles, comme cette parole d'Imam Malik, ce n'est pas un verset du Coran. C'est des paroles qui correspondent à un contexte. L'Imam Malik, il est dans la troisième génération de l'islam. La sunna à son époque, elle est l'islam et la sunna, c'est ça qui domine. C'est ça qui est fort. Les savants, ils sont honorés, reconnus par tous. Et Ahlul Bid'ah, les gens de la Bid'ah, c'est des gens bien précis. Shia, Khawarij, Qadariya, c'est des groupes bien délimités. Et en plus, leurs innovations, elles sont. C'est du lourd dans l'innovation. Le chiisme, c'est du lourd. Les Khawarij, c'est du lourd. Le Qadariya, dire qu'il n'y a pas de Qadar. Les Murji'a, dire que les actes, ça ne fait pas partie de la foi. C'est des choses énormes, des choses graves. Alors que la Sunna, elle est présente. Les imams de la Sunna, ils sont là, les savants. Et eux, ils viennent et ils disent des choses graves, qui touchent à la Aqidah directement, qui touchent au pilier de la foi. Donc, oui, les savants de la Sunna, ils disaient, ces gens-là, vous ne leur passez pas le salam. S'ils tombent malades, vous ne les visitez pas. S'ils sont imams, vous ne priez pas derrière eux. S'ils meurent, vous n'allez pas prier sur eux, etc. Vous ne les mariez pas, etc. etc. Pourquoi? Pour contenir leur bid'a et pour qu'ils soient rabaissés, pour qu'ils soient humiliés. Comme ça donne à personne, ça donne envie à personne de les rejoindre, ça. Maintenant, est-ce que moi, par exemple, je suis en France, je dis, Inch'Allah, j'ai compris la sunna, puis quand il y a quelqu'un que. Déjà, c'est qui me dit qui est innovateur? C'est qui me dit qui est innovateur? Comment je fais pour savoir? Déjà, si je n'ai pas moi-même appris les fondements de la religion, je ne peux pas savoir qui est dans la sunna, qui ne l'est pas. Parce que déjà, moi, je n'ai pas appris. Et puis, quand il y a quelqu'un qui se trompe sur un sujet, ou avec qui je ne suis pas d'accord, ou même carrément, il est dans la bid'a. Alors, je dis, ah, j'ai lu dans le livre, ah ben, il nous a dit dans le dars, la tusallim alayhim, voilà. Et donc, si je le croise à la mosquée à Bois Blanc, je fais ça. Ahlul Bida, c'est les gens de la Bida, je ne parle pas avec eux. C'est pas ça que les savants ils ont voulu nous faire comprendre. Parce que le contexte, il est autre. Là, par exemple, si on prend la France, mais ça, c'est pas vrai qu'en France. Là, maintenant, c'est vrai dans le monde entier. L'islam, il est en position de force ou de faiblesse? Faiblesse. Au sein de l'islam, ceux qui pratiquent l'islam originel, ils sont en état de force ou de faiblesse? Faiblesse. Tu prends de l'est à l'ouest du monde musulman, l'islam normal, c'est quoi pour les gens? Bah, c'est d'aller au mausolée, de prier des morts. C'est ça la religion, le soufisme, etc. Et à une minorité de gens qui ont compris que bah, ça, c'est pas ce qu'a enseigné ni l'imam Malik, ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc quel intérêt, toi, à ce que toi, t'appliques ça? Il n'y a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que la règle, c'est que ce qu'on appelle al-hajar, c'est-à-dire faire le boycott des gens, et notamment donc des gens de l'innovation, parce que ça c'est vrai aussi pour les gens qui commettent des péchés. Alors vas-y toi maintenant, les gens qui commettent des grands péchés, fais-leur ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, bah, bon débarras. Bon débarras, ils ne vont pas nous parler, il n'y a aucun problème. Et c'est toi qui vas te retrouver tout seul dans ton coin. Tu n'as pas d'impact, c'est ça que je veux dire. Donc la règle, c'est que le hajar, c'est comme un médicament. S'il fonctionne, on l'emploie. S'il ne fonctionne pas, on ne l'emploie pas. Et à notre époque, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas le contexte. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ces paroles-là, ça ne sert à rien de les lire? Non, ça ne sert pas à rien de les lire. Parce que quand même, on en comprend comment quelqu'un comme l'imam Malik, de quel œil il voyait les innovations. Est-ce qu'il disait, bon, bah, c'est pas grave, on est tous des frères? Non, loin de là. Ils étaient très durs. Parce que maintenant, parfois, à l'inverse, vous pouvez entendre des gens dans des khutbas ou dans des conférences qui vous disent, ouais, il ne faut pas parler de bid'a. Bid'a, c'est pas grave, etc., etc. Ceux qui parlent de ça, c'est des extrémistes ou c'est des wahhabites et tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, qu'est-ce qu'il leur a dit? عليكم بسنتي. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Donc, c'est qui le premier qui a parlé contre ça? C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. À une époque où il n'y en avait pas de bid'a. Et il savait que ses compagnons, ils ne feraient pas de bid'a. Pourtant, il en a parlé. Et chaque Jumu'ah, il disait cette phrase sur le minbar, avant de commencer son discours. Donc c'est un sujet dont il faut parler. Alors, si on voit en plus chez les gens tout ce qui est répandu, comme fausse idée, comme fausse conception sur la religion, ben ça te fait comprendre qu'au contraire, c'est un sujet dont il faut parler. Il ne faut pas être allergique à ce sujet. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. L'autre extrême, c'est que je taxe tout le monde de bid'a, mubtadi', ou n'importe quel acte, je dis c'est une bid'a. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de pratiques que peut-être c'est des pratiques que toi, tu ne connais pas. Je ne viens pas dire bid'a. Peut-être que toi, tu ne connais pas d'où elles viennent. Mais peut-être qu'elles ont un fondement, peut-être qu'elles ont une origine. Je ne sais pas, on va prendre un exemple. L'imam, admettons, il fait le qunut au fajr. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Au Maroc, par exemple, ils font ça. C'est imposé à tous les imams. Quand on fait la deuxième raka, après, il se tait, il fait une deux pendant un moment. Ça, tu ne dis pas bid'a. Ça, c'est le madhhab des malikites. C'est un ijtihad. Le prophète, il l'a fait pendant un temps, pour des situations, etc. Donc certains, ils ont dit, on le garde tout le temps. Même l'imam Shafi'i, il dit, tous les matins, tu fais le qunut à voix haute. Donc ça, ce genre de choses, tu peux ne pas être d'accord, mais tu ne dis pas bid'a. Ou alors, par exemple, quelqu'un, à chaque fois qu'il finit salat, il fait ses afkar, et à la fin, il fait des doigts. Il y a des frères, ils leur disent, ça, c'est bid'a. Non. Ce qui peut être bid'a, ou on peut dire khata, c'est le fait qu'une personne, elle fait par exemple 33 fois subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Puis après automatique elle fait subhanarabbika rabbil azim. Là on est d'accord, ça ressemble à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas appris que quand tu finis tes afkar, tu lèves tes mains comme ça puis tu dis une formule et après tu passes dans ça. Par contre la personne elle fait afkar puis après elle fait dua, mais elle fait vraiment dua. Ben selon beaucoup de savants, et c'est la majorité, par exemple, dans le madhab de l'imam Ahmed, la majeure partie des savants du madhab de l'imam Ahmed, ils disent, à la fin des cinq prières obligatoires, il est bon de faire des doigts. Parce que tu viens de prier, tu fais tes afkar, donc là, c'est le bon moment pour lever tes mains et faire tes doigts. Donc un truc comme ça, on ne vient pas dire bid'a. Ou alors quelqu'un, par exemple, il fait doigts, à la fin, il fait ça. Certains, ils vous disent bid'a. Non, pas bid'a. Tu peux dire... Je ne suis pas d'accord. Tu peux dire, va'if, c'est faible. Il vaut mieux ne pas le faire. Mais tu ne dis pas bid'a. Pourquoi tu ne dis pas bid'a? Parce qu'il y a un hadith qui le dit, de faire ça. Alors ce hadith, il est va'if, il est très faible. Mais certains savants, ils l'ont quand même adopté, malgré qu'il soit faible. Et dans les quatre écoles, l'imam Ahmed, rahimallah, il le permettait. Il permettait qu'on fasse comme ça après le dua. Donc quelque chose comme ça, tu vas dire bid'a? Que l'imam Ahmed, il a dit, tu peux le faire. Un autre exemple. Vous voyez en Arabie par exemple, dans chaque pays, plus ou moins, ils ont un madhab, ou ils ont dans le fiqh, ou ils ont certaines pratiques qui ont des origines. Par exemple, en Arabie, vous voyez que quand ils font le talawih, quand ils finissent le Qur'an, ils font dua, khatm al-Qur'an. Et ils le font dans le talawih. Et ça, vous allez entendre plein de gens qui se disent entre guillemets salafis, ils vont vous dire c'est bid'a. Déjà, il faut avoir un peu de recul. Faut se dire quand même, c'est bizarre. L'imam à Mecca, je crois, il a étudié un petit peu. Bon, c'est un peu bizarre qu'il fasse une bid'a. Et vous disent bid'a. Pourquoi bid'a? Bah parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas de doa quand il terminait le Coran, et encore moins dans la salat. Déjà, il est rapporté de Othman et de Anas que quand ils terminaient le Coran, par exemple tous les 7 jours ou tous les 3 jours, ils réunissaient leur famille et ils faisaient de doa. Donc, doa khatm al-Qur'an, ça existe. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas rapporté qu'il le faisait dans la salat. Mais l'imam Ahmed, quand on lui a posé la question sur ça, il l'a permis. Pourquoi? Il a dit, les gens de Mecca le faisaient. C'est-à-dire que l'imam Ahmed, il a considéré le fait que c'était fait à l'époque à Mecca, c'est que ça ne peut pas venir de nulle part. C'est-à-dire, si à l'époque des tabi'in et de l'imam Malik, l'imam Malik était à Médine, je dis à son époque. Les gens de Mecca, ils le faisaient génération après génération. c'est qu'il y a une origine. Parce que là, on ne parle pas des années 600 ou 700. Là, on parle des premiers siècles de l'islam. Donc, certes, on n'a pas un hadith qui nous dit texto qu'il faut le faire, mais ça a été rapporté des gens de Mecca dans les premières générations. Donc, tu ne peux pas dire bid'a. Donc, ou alors, par exemple, il y en a, ils vont te dire le chapelet, c'est une bid'a. Ça, ça se discute. Le chapelet, il y a des affaires qui sont rapportées comme quoi Abu Huraira, il prenait des cailloux, par exemple. Donc, il faut être, en fait, il faut être minutieux, il faut faire attention avant de dire bid'a sur n'importe quoi. Parce que bid'a, il faut savoir que les savants, ils disent, la bid'a, c'est pire que les grands péchés. Donc, quand tu dis à quelqu'un, il est en train de faire une bid'a, ça veut dire que c'est pire que s'il fait zina ou s'il ment, ou s'il désobéit à ses parents. Donc, il faut faire très attention. Donc, le chapelet, certes, il faut l'utiliser qu'en cas de besoin, parce que c'est vrai que c'est pas la pratique des musulmans, des sahaba, des tabi'in, c'était pas connu d'utiliser des chapelets, et c'est vrai que ça ressemble à la pratique des bouddhistes, etc. Maintenant, de là à dire que vraiment la personne elle a instauré dans la religion quelque chose qui n'en fait pas partie, c'est dur. Et d'ailleurs, les grands savants actuels, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont juste dit, il vaut mieux éviter, il vaut mieux l'utiliser si tu en as besoin. Mais dire bid'a, c'est dur. Donc, il ne faut pas tomber dans l'extrême de négliger ce sujet. Et il ne faut pas tomber dans l'extrême de devenir un sniper anti-bid'a. Et je passe plus ça à ma personne. Et tous les gens qu'on a vus être comme ça, dans ce minhaj-là, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont après, ils sont maghrourin. C'est-à-dire que ça y est, ils se croient, je suis le groupe sauvé, ils se croient, lui, il est le seul qui a connu, qui a compris la sunna. Et ils ont un sentiment d'orgueil comme ça, et de supériorité. Et ça, c'est pas bon, je le mousseline. Et après, quand tu regardes en détail de le ibadat, le ilm, il n'y a rien. C'est du vide. C'est-à-dire que ce n'est pas construit sur du savoir, il n'y a pas de ibadat derrière, etc. Donc il faut faire attention à rester au bon, bien équilibré dans ce sujet. Donc, bien sûr qu'eux, ils vont te dire, ouais, mais l'imam Ahmed a dit, il ne faut pas passer le salam aux gens d'un bid'a. Oui, ouais, certes, mais ça a son contexte. Et l'imam Ahmed, c'est lui-même aussi qui a dit, à une autre période, des gens sont venus voir, ils venaient du Khorasan. Khorasan, c'est équivalent à peu près à l'est de l'Iran, l'Afghanistan, tout ça. Il disait, chez nous, les Jahmiyyah sont en force. Alors, est-ce qu'on leur fait le Hajar? Et l'imam Ahmed, il a dit non. Il a dit, soyez bien avec eux, parce que c'est eux qui sont en force. Donc, si vous voulez ramener à la vérité, le mieux, c'est d'être gentil avec eux. Et le jour où vous êtes en force, vous exposez clairement la sunna, et il y en a un qui se permet de dire n'importe quoi, là vous le mettez de côté. En fait, c'est une question de le but, quel est le but? Le but, c'est de ramener les gens à la vérité. Et donc le moyen qui est adéquat, c'est celui-là qu'on va employer. Et donc à une époque comme la nôtre, où l'islam est en état de faiblesse, les musulmans en état de faiblesse, et les gens qui suivent la sunna en état de faiblesse, tu vas faire le boycott des gens, ça ne va servir à rien du tout. Bon, il y en avait beaucoup hein, sur Al-Bida', il en a dit beaucoup, l'imam Malik. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala. C'est-à-dire que plus ou moins ce que je vous ai dit, ça reprend un peu. Par exemple, il dit il ne faut pas prier derrière un imam de Al-Bida', il ne faut pas prendre le témoignage de Al-Bida', etc., etc. Il ne faut pas vendre ou louer les livres des gens de la Bida'a. Il faut pas, il disait même, il faut même pas vivre dans une parole, dans un pays où on insulte les salafs. Là, il fait allusion au pays qui était sous domination chiite. Il dit, il faut pas rester dans un pays où on insulte, c'est-à-dire les sahaba. Imaginez-vous, nous, à notre époque, c'est la religion qui est insultée. On va aller où? Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut mettre chaque chose dans son contexte. Donc on s'arrête là, Inch'Allah, pour cette série de cours. Donc malheureusement, ça, vous ne trouverez pas en français. Je ne vais pas vous mentir. Pour le prochain cours, je vous propose de vous acheter, enfin que vous vous achetiez, le livre Bulugh al-Maram. Qui l'a déjà en français? En fait, Bulugh al-Maram, c'est un recueil de hadiths, il y a à peu près 1300 hadiths, sur le fiqh. Mais à la fin du livre, Ibn Hajar, l'auteur du livre, il a mis 130 hadiths à peu près que sur le comportement, la morale, les mauvais comportements, le dhikr et tout ça. Et 130 hadiths, on peut les faire. Parce que vous vous souvenez, quand on faisait, je ne sais pas si tous vous étiez là, quand on faisait Riyad Salihin. C'était bien Riyad Salihin, mais on n'en arrivera jamais à bout. D'ailleurs, j'étais obligé, je sautais des hadiths. 130 hadiths, on peut les faire sur le comportement. Donc le mieux, c'est que le livre, ils l'ont fait en trois livres avec l'explication de là, en français. Et sinon, le livre, il existe aussi tout seul. Le livre Boulour al-Maram de hadith, qu'avec les hadiths, il existe aussi tout seul. Il est un peu mal traduit, mais c'est rien parce qu'on va le faire, on va l'expliquer. Donc je vous propose que vous l'achetiez. Donc je vous répète, c'est Boulour al-Maram. Et ce que je voulais faire, c'est faire ce cours-là et un autre cours derrière. En fait, à la base, je ne vous cache pas, j'avais une idée, c'est qu'on fasse trois cours le dimanche. Trois cours de 20 minutes. 20 minutes hadith, donc Boulour al-Maram, 20 minutes de tafsir comme on fait d'habitude, et 20 minutes de fiqh. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fiqh, je ne sais pas quoi vous... Je sais pas quoi vous dire d'acheter. Je sais pas, on verra, Inch'Allah. Mais au pire, vous prenez de quoi noter, un petit carnet. Comme ça, parce que le fiqh, vous ne pouvez pas apprendre comme ça. Le fiqh, il faut noter. Quand on va dire les conditions de la prière, il y en a 10. Si vous ne notez pas, le lendemain, c'est fini. Les 10, il y aura 7. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.